Il est midi 55 minutes. Bonjour, bonne journée Dominique à tous et à tous. Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganeiro, ce journal, l'édition de la mi-journée de ce dimanche 23 janvier 2022. Donc voici d'abord le sommaire. 70% des procès inscrits au rôle civil au tribunal de résidence Domingue concernent le divorce. Des sources sur place indiquent que le concubinage et le soupçon irrelatif sont les principales causes de cet état des faits. Pour booster le tourisme au Burundi, l'organisation Gisabo Tours propose à l'État de construire des infrastructures modernes et d'introduire le tourisme dans les programmes d'enseignement. Et la chronique nutrition de ce dimanche axé sur le chou, une légume très bonne pour la santé et contient les vitamines E et K et dans la prévention de plusieurs maladies comme le cancer. François Kimana assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le secteur du tourisme devrait plutôt réaménager les lieux touristiques en traçant les pistes et en mettant en place des guides touristiques formés. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, l'a déclaré à l'occasion du tour sur les sites touristiques au Burundi. Le président burundais a également fait savoir que le secteur touristique pourrait devenir une grande industrie au Burundi, étant donné que chaque province du pays possède un site touristique. Suivez le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Quand il y a une organisation qui protège l'environnement tout en tirant un profit, elle voit que tout va bien, que l'environnement est protégé. Néanmoins, dire à l'OBPE de gérer les touristes, de tracer les pistes, cela n'est pas de leur ressort. Pour eux, c'est l'écotourisme qui est favorisé. Il faut bien organiser cela, site par site. Concernant les guides touristiques, ils doivent être formés. J'ai vu que ce sont des fonctionnaires. Un guide touristique doit d'abord maîtriser l'histoire du site. Je suis allé rendre visite à un artiste hier. J'ai remarqué qu'il ne réalise aucune œuvre d'art sans lui donner une histoire propre. Je me suis rendu compte qu'il pourrait mettre en place un petit musée et ainsi mettre en lumière l'histoire de nos traditions, le déroulement des fêtes traditionnelles. Partout où je suis passé, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de potentiel touristique. Le tourisme pourrait être une grande industrie au Burundi, car chaque province, chaque commune possède un lieu touristique. Ici à Changuzo, à Muyaga, c'est un patrimoine national à vanter. À chaque touriste, montrer et relater l'histoire de l'église de Muyaga. La situation évolue maintenant. Avant, on était préoccupé par les divisions, mais maintenant, nous sommes dans une période de paix. Le chef de l'État burundais a été traduit en français par Jean-Marie Mayonga. L'organisation Gisabo Tours propose à l'État de construire des infrastructures modernes et d'introduire le tourisme dans les programmes d'enseignement afin de booster le tourisme au Burundi. Le directeur général de cette organisation œuvrant dans la promotion du tourisme au Burundi dit que ce secteur est très important. Selon Oda Sendabahawe, ce secteur touristique, une fois promu, contribuerait à la visibilité du Burundi. Suivez-le, il est traduit en français par Lini Bernibikida. C'est un des secteurs transmettant l'image du Burundi et les richesses touristiques à la disposition du Burundi et qui font la fierté des Burundais. Pour rendre plus attirant le tourisme, je propose à l'État, car il est l'acteur primordial, de construire des infrastructures modernes comme des routes. Il faut aussi sensibiliser les opérateurs privés à ériger des infrastructures hospitalières, aux normes internationales. Mais aussi, l'État devrait introduire des cours de tourisme dans l'enseignement et continuer à faciliter les touristes extérieurs et surtout ceux des pays de la sous-région. Très récemment, l'État a annoncé la délivrance des visas sur les frontières. Et s'il garantissait, comme on est de l'EAC, le visa unique pour que le visa utilisé dans le tourisme soit unique, ça serait mieux. Il faut que l'État accorde aussi le budget suffisant à ce secteur. Et il faut aussi promouvoir la communication publicitaire de ce secteur de différentes manières, soit via les médias locaux avec des émissions touristiques, soit dans les passages des tourismes comme à l'aéroport ou sur les frontières. Autre chose, il faut avoir une personne chargée du tourisme dans chaque ambassade du Burundi. Il faut également encourager les touristes intérieurs, comme ce qu'a fait le président de la République. Ça permettrait de vendre la visibilité touristique du Burundi qui fait la fierté des Burundais. Les Burundais devraient donc le prendre pour modèle et surtout les cadres étatiques. Kuko babona ko tubyishimiye n'abarundi bose bafatira kuri ibyo naje cyane abasanzwe bari muri leta. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pas justice à présent, je vous le disais en titre, 70% des procès inscrits au rôle civil au tribunal de résidence de Muyinga concernent le divorce. Des sources de ce tribunal indiquent que le concubinage et les soupçons relatifs sont les principales causes de cet état de fait. Denise Ndaruhekere, chef de cabinet du gouverneur de Muyinga, recommande aux parents de renforcer l'éducation familiale et aux mariés de prendre au sérieux leur engagement. Les détails avec Pierre Clavin Barundi depuis Muyinga. Quand on jette un coup d'œil sur les procès civils inscrits au rôle du tribunal de résidence de Muyinga, on est frappé par un nombre exorbitant de ménages qui veulent divorcer. Au sein de ce tribunal, on indique que 70% de ces procès concernent le divorce, contrairement aux autres tribunaux où les conflits fonciers prennent le dessus. Quant aux raisons de ces divorces, en tête viennent le concubinage et les soupçons liés à ce dernier. Denise Ndaruhekere, chef de cabinet du gouverneur de Muyinga, fait savoir que ce cas est connu de l'administration et recommande aux parents de renforcer l'éducation en famille et aux mariés de respecter leur engagement. Il y a beaucoup de cas de divorce au niveau des tribunaux de résidence, beaucoup de ménages qui demandent le divorce. Le conseil que je peux donner donc, c'est de rappeler les parents de retourner à leur rôle primordial de l'éducation des enfants en famille. Aussi aux jeunes d'aujourd'hui de prendre au sérieux les conseils qui sont donnés par les parents, parce que ce soit de la part des enfants, des jeunes ou de la part des parents, il y a toujours des irrégularités, parce qu'un parent peut donner des conseils à un enfant qui ne respecte pas ses conseils parents. Et vice versa, les parents peuvent laisser les enfants dans la délinquance. Donc le rôle des parents dans l'éducation est primordial et irremplaçable. Selon elle, les parents doivent également servir de modèle aux enfants. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi pour tous ces détails. Avant de se rendre à Changuzo pour parler agriculture, parlons sport. Après deux jours de repos, la CAN 2021 reprend ce dimanche 23 janvier à Limbé avec le premier huitième de finale entre le Burkina Faso et le Gabon à 18h, heure de Bujumbura. Une rencontre a priori sans favori entre deux équipes au dynamique opposées ces dernières semaines. C'est au moment où le deuxième match va opposer le Nigeria et la Tunisie à 21h et ce dernier sera retransmis en direct sur les ondes de la radio Isanganiro par mes confrères Ismaïl Kwizera et Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Rendons-nous à Changuzo pour parler agriculture. Les agriculteurs de la province Changuzo dispersés ici et là sur les collines ne disposaient pas de grandes propriétés domaniales pour pallier aux défis d'exploitation de l'open de terre. Le directeur de l'environnement, l'agriculture et l'élevage en province Changuzo conseille à ses agriculteurs de s'associer en coopérative pour que l'administration leur octroie des terres domaniales inoccupées de l'État, ce qui pourrait augmenter la production agricole en province. Tchankouzo, les détails avec notre confrère sur place, Mounende. Certains agriculteurs de la province Tchankouzo, dispersés ici et là sur les collines, disent que le faible rendement agricole est dû essentiellement au manque de vastes terres à exploiter. Ces agriculteurs, exploitant de petits lopins de terre, affirment également que le manque d'argent pour se procurer de l'engrais organominéral en usage actuellement réduit aussi la production. Merikiadou Nahondereye, directeur de l'environnement, agriculture et élevage en province de Tchankouzo, trouve que les préoccupations de ces agriculteurs sont fondées. Selon lui, ces agriculteurs devraient plutôt s'associer en coopérative pour que l'administration leur octroie des terres domaniales non exploitées de l'État. Même s'il ne précise pas la superficie de ces terres domaniales, son directeur avoue que les terres domaniales non occupées se trouvent un peu partout dans les communes de Tchankouzo, mais selon lui, ce sont les communes de Michia et Kigamba qui disposent beaucoup de terres domaniales non occupées. À la direction de l'agriculture en province de Tchankouzo, l'on constate également que certains agriculteurs, même s'ils disposent de petits lopins de terre, n'utilisent pas la fumure convenablement et se contentent de la mise en jachère de leurs champs. Et de les conseiller d'utiliser d'abord la chaux, puis la fumure organominérale, sans oublier la bouse des animaux domestiques pour augmenter la production agricole. Et tant que le risque de tarissement de la pluie peut survenir précocement, ces agriculteurs sont appelés à récupérer à temps l'engrais organominéral en vue de commencer la saison qui dira les baies en semant le haricot avant le 20 février courant. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le chou, légume très bon pour la santé, contient différentes vitamines comme la vitamine E et K qui aide dans la prévention de plusieurs maladies comme le cancer. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, explique que le chou contient des graisses qui ne causent pas des effets néfastes sur la santé. Chronique et nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Le chou peut être utilisé comme médicament selon Jean-Paul Ouineza, chercheur et nutritionniste. Il différencie les choux selon leurs vertus. Les choux sont des différentes variétés. Nous pouvons les distinguer selon les effets nutritionnels. Les choux contiennent des protéines dans un pourcentage pas du tout négligeable qui oscille entre 3,38%. Dans les choux du Brésil, on peut trouver 1,39%. Dans les choux rouges, il s'agit de protéines incomplètes comme beaucoup d'autres d'origine végétale car elles ne contiennent pas tous les acides aminés dans la proportion idéale. Néanmoins, associées à d'autres protéines végétales comme celles des céréales ou des légumineuses, elles deviennent des protéines complètes d'une haute qualité. À ce qui concerne les graisses, ils ne contiennent assez de graisses, au moins 0,1% et 0,2% de leur poids. Si vous voulez des graisses ou bien des lipides, vous ne pouvez pas utiliser des choux. Ce chercheur explique que pour les personnes qui ont des ulcères gastriques, le chou contribue au maintien de l'intégrité de la peau et de la cicatrisation des plaies. La capacité cicatrisante des feuilles des choux sur la peau en application externe est un effet bien connu et prouvé depuis longtemps. Puis en boisson sur les ulcères gastriques et duodénaux. Chez les patients soufflant d'un ulcère qui prenait un verre de jus de chou, un jus qui est fin, de 200 à 250 ml, 4 à 5 fois par jour, le temps de cicatrisation de l'ulcère se réduisait à 2 semaines. Le docteur Enes Schneider continue à parler que la douleur de l'estomac disparaissait quelques jours après avoir commencé à prendre ce jus. Jean-Paul Ouineza a dit que le chou, grâce à sa richesse en vitamine K, il a une action bénéfique sur la fluidification du sang. Le chou exerce une action laxative et régulatrice douce sur les transits intestinaux. Grâce à sa teneur en fibres cellulosiques, son emploi congé en cas de constipation chronique et diverticulose Pour réduire l'effet fracturant des choux, il faut choisir les feuilles les plus tendres, les couper aussi finement et après les avoir fait cuire à feu doux, les assaisonner d'huile et de citron. La consommation excessive du jus des choux aide à réduire la pression artérielle, à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et protège contre le cancer de l'estomac et du côlon. Quelques cuillerées de jus de choux pris au fait l'estomac vide 5 ou 10 minutes avant les repas sont capables de soulager l'inflammation de l'estomac en quelques jours de traitement. Les symptômes typiques de la dyspepsie d'origine fonctionnelle, irritation et mont de l'estomac disparaissait en utilisant le jus de chou. Le chou régularise les fonctions intestinales et calme les douleurs de l'ulcère gastrique duodénale. C'est sur cette chronique nutrition que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Nzikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganito.